21-15, activation orale, utilité, servir. Pour chaque expression, trouvez une expression équivalente selon les exemples. Vous entendez? 1. Est-ce que les mathématiques sont utiles? Oh, vous dites... À quoi servent les mathématiques? Bien, vous entendez? 2. Les mathématiques ne sont pas utiles. Vous dites? Les mathématiques ne servent à rien. Allons-y. 3. Est-ce que l'histoire de l'art est utile? À quoi sert l'histoire de l'art? 4. Non, ce n'est pas utile. Ça ne sert à rien. 5. Est-ce que les professeurs sont utiles? À quoi servent les professeurs? 6. Les professeurs ne sont pas utiles. Les professeurs ne servent à rien. 7. Est-ce que nous sommes utiles, nous? À quoi servons-nous? 8. Nous ne sommes pas utiles. Nous ne servons à rien.